Bonsoir Didier Turios. Bonsoir. Nous vous recevons pour parler de vos voyages, de votre livre Des Orientales, ainsi qu'Échappée, un recueil de poésie. Vous décidez un jour de partir avec votre famille. Pourquoi, par exemple, en Inde? Pourquoi partir ou pourquoi l'Inde? Pourquoi partir et pourquoi partir en Inde d'abord? Pourquoi partir? Parce que je crois que c'est dans les gènes. C'est l'appel du large. J'ai toujours aimé voyager. J'ai toujours été fasciné par l'ailleurs, l'inconnu. Et pourquoi pas l'Inde? L'Inde n'est pas un pays, c'est une galaxie. En Inde, on est sur Mars. Donc c'est vraiment une terre fascinante. On peut y aller, y revenir. On est toujours autant fasciné. Donc voilà quoi. On allait simple pour l'Inde. Vous ne savez pas quand vous reviendrez? On savait à peu près la date du retour, mais on ne connaissait pas du tout l'itinéraire. Mmh. Donc on allait simple, sans guide. Donc c'est la découverte, l'errance, quoi. Parce que le voyage doit vraiment être une errance, fait de lenteur et d'errance. Qu'est-ce qu'il faut pour aller en Inde? Partir comme ça en Inde, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un minimum de vaccins, ouais, d'un point de vue médical. Mais il faut surtout apprendre à partir, apprendre à se détacher un peu de la famille, de la société, du travail, des codes qui nous régissent un peu. Donc il faut pas hésiter à partir. Les nouvelles, la famille, bien sûr il en faut, mais il en faut pas trop. Trop de nouvelles, tu le voyages, donc il faut vraiment déconnecter, quoi. C'est une déconnexion, un déracinement, pour mieux s'enraciner, quoi. Le voyage c'est ça, à mon avis. Ok. Quand vous arrivez en Inde, c'est du bruit, de la foule, de la couleur, ouais. De la couleur, ouais. et l'impression d'être volé en permanence. Un petit peu, c'est ce qu'on ressent dans le livre. Ouais, c'est vrai. Difficulté de compréhension, choc des cultures et des manières de vivre et d'être. J'ai un peu de difficultés avec les Indiens. L'Inde est un pays fascinant, incompréhensible, on ne comprend pas. En fait, je ne sais pas pourquoi l'Inde me fascine à ce point. L'Asie, d'une manière générale, me fascine, mais l'Inde, c'est assez indescriptible. C'est un pays assez difficile. Il fait chaud, il fait froid, on voyage mal, les voyages sont longs, difficiles, on dort dans des endroits pas très reluisant, il y a souvent des animaux dans les lits ou dans les assiettes, parfois vivants. Enfin, c'est un pays vraiment bruyant, fatigant, épuisant. Mmh. Épuisant. On ne sait pas pourquoi. Donc si on fait la somme des désagréments de ce pays, on se dit mais pourquoi, quelle est la raison qui fait qu'on a toujours envie de retourner en Inde? C'est irrationnel en fait. En Inde, au même moment, on peut être à la fois en colère et fasciné. Tous les sentiments se chevauchent et se mélangent, et on ne comprend rien, quoi. Mais c'est pas gênant. Pourquoi forcément comprendre? Il y a simplement ce sentiment on se lève le matin en Inde, et puis on est heureux, on ne sait pas pourquoi. On ne se l'explique pas. On sait qu'on va en prendre plein la tronche pendant toute la journée, mais on est heureux, quoi. On est heureux d'y être. Irrationnel. Pays fascinant, coloré, différent. Voilà. On parlait des animaux, il y a des vaches partout, c'est ça? Vaches sacrées, faut aller toucher, faut les laisser tranquilles. Ah, elles sont vraiment sacrées, ouais. Faut ce qu'elles veulent. À un moment, vous êtes dans un square, vous faites la sieste, vous entendez un bruit, c'est quoi, un gros serpent? Ouais, une sieste au pied d'un séquoia, je sais pas. Et puis un petit bruissement dans l'herbe, juste à côté, puis un serpent qui doit faire les 3 mètres du diamètre d'un pneu, qui est passé tranquille, voilà. Donc c'est aussi ça, dans un parc public, quoi. Mmh. Ouais, les animaux sont partout. Ouais. Les hôtels, vous parlez de cafards, de blattes énormes. Ouais, bah, il faut savoir que notre manière de voyager, c'est vraiment un voyage de pauvre. C'est une volonté d'être vraiment... Parce que simplement, on se sent bien avec les gens, quoi. C'est pas un calcul, c'est simplement que, voilà, c'est même pas un calcul financier, c'est vraiment être bien en immersion totale, quoi. Donc c'est un voyage de pauvre, ce qui fait que, ouais, on dort dans des rizières, on dort dehors, on dort dans des garde-bus, dans des hôtels de passe, dans des endroits sordides, ou voilà, remplis de cafards et de rats. Mais bon, c'est ce qui fait aussi le charme du voyage, quoi, d'un vrai voyage. Un vrai voyage. Vous iriez dans des hôtels de luxe. Ah non, ça c'est hors de question. Ce ne serait pas un vrai voyage. Et aussi les castes en Inde. Apparemment, ça vous marque. Et puis oui, c'est forcément marquant de voir des échelles sociales qui se régissent les unes les autres comme ça, et qui sont dures en fait. Vraiment très dur, c'est terrible. Ouais. Forcément, là encore, il y a un choc culturel. Le système des castes, c'est... Même si, a posteriori, on peut se rendre compte que le système des castes existe aussi chez nous. Il est plus masqué. Mais c'est quand même assez choquant, quoi. Quand on a des idéaux un petit peu égalitaires, c'est un peu choquant de voir que, oui, il y a un système des castes... Vraiment une hiérarchie incontournable et puis immuable, quoi. Je veux dire, si vous naissez intouchable, vous mourrez intouchable. Quoi que vous fassiez, même si vous faites le bien, vous serez toujours l'intouchable, quoi. Il faut savoir qu'en bas de l'échelle des castes, il y a la femme et voilà. Et juste après, il y a peut-être l'étranger, juste devant les chiens. Donc c'est vraiment... C'est assez, ce système hiérarchisé est assez choquant, quoi. Et pour un occidental, mais ouais, c'est assez. On voit des choses, on voit des gamins qui bossent dans des ateliers clandestins, qui sont exploités, qui travaillent 18 heures par jour dans des ateliers clandestins et qui sont exploités y compris sexuellement, quoi. Je veux dire, on devine les choses, donc c'est... Et puis c'est quelque chose d'établi, d'avéré et de normal. De normal parce que c'est comme ça. Personne ne peut se révolter, quoi. Donc ce système des castes, l'hindouisme, quelque part, est assez difficile pour un occidental à comprendre. C'est pas forcément satisfaisant, quoi. Même si on comprend pas tout, on est bien d'accord. Mais c'est... Au quotidien, c'est assez choquant, quoi. C'est assez choquant. Vraiment. On voit des choses assez terribles, quoi. Et donc vous êtes avec avec Nadine et votre épouse Emma Eva, votre fille. Donc c'est en pleine période, c'est pendant l'année scolaire en fait. Donc votre fille prend des cours par correspondance. Ouais. Vous lui donnez des cours. Et c'est impressionnant son apprentissage, pas enfermé dans une classe, mais concrètement. C'est beau ça, qu'elle puisse tout vérifier sur place. La misère dont fait référence dans les cours de géographie, elle le voit. C'est simplement une application concrète de l'éducation, quoi. C'est vrai que les cours du CNED sont vraiment très bien faits. L'enseignement à distance, on a senti paradoxalement une proximité des professeurs. Proximité, malgré les milliers de kilomètres. Oui. Et en plus, oui, forcément, on applique tout, c'est une application concrète de l'éducation, quoi. Donc c'est un plus pour Maëva, je pense qu'on peut le dire, oui, c'est un plus, c'est une ouverture d'esprit, même si parfois ça passe par des moments difficiles, quoi. Il faut se confronter à la réalité du monde, quoi, et à la dureté du monde, et Dieu sait qu'il n'est pas facile. Surtout en Inde, voilà, en Inde, c'est quoi? C'est la violence, c'est un pays violent. Ce sont les crémations à Benares, ce sont des corps humains qui qui se calcinent à longueur de journée. Bon, et vous vit avec ça. Vous racontez, vous sentez l'odeur en permanence. Ouais, pas désagréable, dites en passant. Ouais. Hein? L'odeur de poulet rôti. Ouais. Le corps humain a une odeur de poulet rôti. Parfois, on se surprend à avoir faim. On se dit, je me jure bien. Puis on est un peu. Ouais, on est peu les choses. Ouais. Mais tout ça, voilà, donc, forcément, ça. Ouais. Ça renvoie à des questions philosophiques. Mais en ce qui concerne Maeva, forcément, c'est quelque chose de bien, quoi, et une ouverture d'esprit. Ouais. Mmh. Mmh, c'est très beau. Hein. Ouais, le mot, voilà, il faut. La question, c'est voilà, est-ce qu'on doit cacher le monde à nos enfants? Est-ce qu'on doit masquer certaines réalités? Ou est-ce qu'on doit tout montrer en accompagnant, en expliquant? Moi, je suis plutôt pour ça, quoi. Mmh. Mmh. Faut rien cacher, y compris la mort, y compris la violence, la guerre. Voilà quoi, ça existe, la faim, ça existe. Donc, sans culpabiliser les enfants, mais bon, il faut expliquer quoi. Il faut montrer, c'est là. On vit avec le monde, donc, qu'on le veuille ou non, on est dedans, on en fait partie. Et donc, l'Inde apparemment, c'est très contrasté, hyper contrasté en richesse, en pauvreté, en paysage. Vous êtes dans des. Les lieux sordides, c'est la misère, c'est laid apparemment. Et deux pages après, vous êtes au paradis, on dirait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est, d'une minute à l'autre, je veux dire, on peut être. C'est totalement contrasté, on peut être révolté, émerveillé, mais c'est même pas d'une minute à l'autre, c'est au même instant. Tout ça se chamboule, c'est-à-dire que. On maîtrise rien, quoi. Les émotions se bousculent et puis on maîtrise rien. Et c'est, on peut pleurer et rire au même moment, quoi. Ce qui est fascinant en Inde, en fait, c'est ça, quoi. C'est se dire, c'est irrationnel. Pour nous, occidentaux, c'est irrationnel. Enfin, moi, après plusieurs séjours en Inde, plusieurs années maintenant, je veux dire, je comprends rien de l'Inde, mais je le vis bien, quoi. Je comprends rien de l'Inde et des Indiens, qui sont énigmatiques pour moi, qui est de restaurant, je crois. Mais tant mieux, ça me Je retournerai en Inde parce que j'ai envie de retourner. Et puis, c'est, voilà. Et puis encore une fois, il faut être fidèle à l'inconnu, à l'autre. Quoi. Voilà, monde de mondialisation uniformisée partout en Inde, vous êtes complètement chamboulé. Quoi. Tout est différent. Donc, ça fait, on est heureux quoi, de se confronter à cette différence-là, de se dire il y a des gens qui sont différents. Ouais. Mm. Voilà, ça justifie le voyage et l'aller vers l'autre. Quoi. On va résumer l'Inde. Ouais. Ce qui est fou, c'est ça. C'est ultra complexe, ultra contrasté. Effectivement, il y a d'un côté, c'est un pays vraiment très spirituel, vraiment tourné vers la religion et la spiritualité. Mais à côté de ça, il y a quand même au quotidien une certaine vénalité. Quoi. Je veux dire, les Indiens sont bon, on peut les comprendre. Je veux dire, c'est pas un jugement, mais bon, il y a oui, en tant que voyageur, en tant qu'étranger. Forcément, il y a une propension à vouloir plumer l'étranger. Donc, en même temps, oui, ça peut sembler logique en même temps. On peut comprendre, bien sûr, on peut comprendre. Maintenant, il y a une dualité, quoi, un contraste. De toute façon, l'Inde, c'est un pays de contraste. Il y a à la fois ça, cette spiritualité, ce besoin de divin, et puis au quotidien, quand même, une certaine dureté, quoi, âpreté. On n'a pas du gain, quoi, désolé. Ouais. Les commerçants. Et apparemment aussi dans la misère, mais heureux de vivre à la fois, avec une certaine joie de vivre, et en même temps une sorte de. À un moment, vous parlez d'une fête permanente, je ne sais plus dans quelle ville vous arrivez, et vous dites qu'est-ce qui se passe, c'est la fête, c'est quelle fête. Apparemment, c'est comme ça tous les jours. Ce qui est fou, l'année, c'est ça. Il doit y avoir 360 fêtes dans l'année, donc il y a toujours une fête. Tous les jours, chaque jour pratiquement de l'année est fêté quoi. Alors c'est la fête du printemps, la fête de Pongal dans le sud. Enfin, c'est vraiment voilà, il y a un besoin de rituel, un besoin d'adorer quoi, besoin d'adorer. L'hindouisme c'est vraiment voilà des fêtes au quotidien en permanence, incompréhensible pour nous. Par rapport au livre, j'ai l'impression que l'Indien dodeline souvent de la tête. Ah ouais, l'Indien d'Odeline, ouais, ouais, ouais. Ça ressort tout le temps, l'Indien ouais, d'Odeline. Ouais. L'Indien d'Odeline, ouais. Alors, c'est marrant parce que le oui chez nous, c'est le non chez l'Indien et vice-versa. Ah, donc, c'est, là aussi, au niveau des codes, c'est totalement différent. Ouais, c'est donc, mais voilà, l'Indien d'Odeline est souris. quand l'Indien n'a pas d'argument ou ne sait pas quoi dire, il sourit. Donc souvent ça passe pour de la sagesse auprès de certains occidentaux, mais bon, c'est simplement une perte de contenance. La tête qui dodeline, ça c'est récurrent, c'est en permanence, c'est assez rigolo. Ouais, c'est assez fascinant, quoi. Mais la culture, forcément, est présente partout en Inde, partout, et une civilisation, je veux dire, immense, quoi. La culture et la nature, même si la nature et pas, les paysages en Inde sont pas fantastiques, quoi. L'Inde, c'est somme toute assez plat, mis à part le nord, c'est assez plat, assez quelconque, en fait. Donc on visite pas l'Inde pour les paysages, quoi. On visite l'Inde, je crois, pour la culture ou les gens, quoi. Cette différence-là. Par le tsunami, justement. Ah ouais. Les îles Andaman, c'est assez étrange. Ouais. Les îles Andaman, en 2004, venaient juste d'ouvrir aux étrangers, donc c'était vraiment tout nouveau. Et ce sont des îles paradisiaques où vivent encore les derniers sauvages de la planète, les Jarawa. Ah oui, donc les Jarawa, oui, c'est génial, vous prenez le bus. Oui, je m'en souviens. Donc une route. Dans la forêt et vous restez éveillé, vous restez vigilant pendant des heures à vous dire est-ce qu'on va voir des Jarawa, peut-être. Et au bout de quelques heures, d'un seul coup, vous entendez des cris et ils sont là. Vous avez la chance de voir des Jarawa. Ça, c'est un moment assez fantastique. Ouais. Je suis assez heureux pour Maeva, quoi, parce que c'est Maeva a croisé les derniers sauvages de la planète, quoi. Il n'y en a plus. Quoi. Et Jarawa, donc c'est les Tupéniens, l'arc, Bandé, les derniers sauvages. Et cette route-là, en fait, ça traverse dans la longueur la Middle Andaman, qui est une grande île, c'est un chapelet d'île. On appelle ça la Grand Trunk Road, et, qui a été faite récemment par le gouvernement indien. Et en fait, on traverse cette. Elle vient juste d'ouvrir, elle venait d'ouvrir en 2004. Et on traverse donc en convoi armé avec des jeeps d'hommes armés devant et derrière, et donc un bus fermé parce que les Jarawas sont un peu irascibles, sont un peu belliqueux, on peut les comprendre, hein. Ils ne veulent pas se faire coloniser, malheureusement, et acculturer, ça viendra. Mais bon. Et donc, ouais, c'était assez surprenant de croiser deux groupes de Jarawas en armes. C'était Enfin, il faut savoir que les Jarawas connaissent même pas le feu, quoi. C'est vraiment, voilà, on a croisé la préhistoire, l'aube de l'humanité. Ça c'est assez fascinant parce que dans quelques années, c'est fini, quoi. Toutes les tribus seront acculturées, quoi. Ouais. Donc je suis assez heureux, même si je suis heureux pour Maeva, oui, qu'elle ait vu ça, et sans avoir le sentiment d'avoir participé à cette acculturation-là, quoi. Parce que bon, voilà, visiter les tribus aussi, on en revient, quoi. Pour avoir visité certaines tribus au Laos, en Indonésie, un peu partout, ouais, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Parce que ça ne sert à rien. Mm-hmm. Ça sert juste à accélérer le processus. Mm-hmm. Donc ça sert juste à se faire plaisir, à dire voilà, j'ai rencontré des tribus en Indonésie, au Laos. Ça sert juste à ça. Donc, ouais, encore une fois, les tribus, il faut surtout pas les visiter, quoi. Il faut surtout pas les visiter. Mais là, bon, en l'occurrence, bon, on est passé dans un bus qui serait passé sans nous. Quand même heureux d'avoir rencontré ces Jarawas-là. Les derniers premiers hommes. Donc, vous parcourez l'Inde comme ça pour finir, parce que vos visas expirent. Faut partir de l'Inde. Il fallait sortir à tout prix. Voilà. Vous retrouvez au Bangladesh. Bangladesh, ouais. Un hasard, parce qu'en fait, on voulait partir au Népal. Alors qu'il doit y avoir une malédiction sur ce pays, parce qu'à chaque fois qu'on veut partir au Népal, il y a un problème. Ou une guerre civile, ou je sais pas, une épidémie. Et là, en l'occurrence, c'était en 2004, hein, au mois de mai, je crois, c'était la guerre civile, ouais. Les maoïstes qui s'étaient révoltés, c'était. Kathmandu était pris d'assaut, c'était très dangereux. Donc on voulait partir au Népal, on n'a pas pu. Donc la seule voie de sortie terrestre pour en sortant de l'Inde, c'était le Bangladesh. Donc le Bangladesh, l'inconnu total. Bangladesh, pays non touristique si l'année, quoi. Mm-hmm. Et fascinant. Un pays incroyable. Ils sont étonnés d'ailleurs de voir des touristes. Ouais, des étrangers. C'est un des plus pauvres du monde, sans doute. Et puis les gens. Fait en Bangladesh, vous sortez de la chambre, vous avez de suite 50 personnes qui s'agglutinent autour de vous et qui vous suivent toute la journée. Vous marchez, il y a 50 personnes en permanence. Alors au début, c'est folklore, et puis au bout de quelques jours, ça vous lasse un peu. Ça lasse, et puis ça devient fou, quoi. Mmh. D'ailleurs, il n'y a pas un moment d'intimité. En fait. Vous enfermez et vous calfeutrez tout. Ah oui, oui. Ouais, au bout de mois, honnêtement, je ne connais plus, quoi. Des gens adorables, vraiment pas belliqueux, hospitaliers, souriants. Mais bon, ouais, même pas 5 minutes pour pincer, pour faire une sieste. Et pourtant, d'un seul coup, on ressent du calme par rapport à l'Inde. Ouais, tout à fait. Ça, c'est vrai. Ouais. À la fois, il y a. Ouais, il y a. Parce que bon, le Bangladesh est un pays musulman. Donc, l'hindouisme, c'est vraiment. Les Indiens, bon, il n'y a pas que des hindous en Inde, mais l'Inde, c'est quand même un pays d'excité, quoi. C'est quand même un pays d'excité. Ouais. Les hindous, c'est vraiment. C'est. Waouh! C'est de la fureur, c'est du bruit, c'est des chants, c'est tonitruant, quoi. Mmh. Et quand on arrive au Bangladesh, déjà on est surpris de voir ça devient plus propre. Bon, on n'est pas attaché à ça, mais on s'aperçoit que ça devient plus propre, et puis c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus feutré. C'est un pays musulman, plus... Et pourtant, comme vous l'écrivez, la population est 3 fois plus dense qu'en Inde. C'est ça. Et 7 fois plus dense qu'en Chine. Ça, c'est vraiment. Et il y a 130 millions d'habitants. Ouais. Bangladesh. un des pays les plus denses du monde. C'est impressionnant. Mais ouais. Et pourtant, c'est plus calme qu'on a. Voilà. C'est plus. Sans doute dû à la culture, à la religion. Au fur et à mesure du voyage, vous rencontrez des gens, ce qui est très beau. De belles rencontres. C'est quand même un peu le but aussi du voyage. Alors, des rencontres, des gens qui deviennent des amis, ça c'est très beau. Et d'autres rencontres qui vous aident. Qui vous aident à passer. Par exemple, avoir une place en première pour le prix d'une place en seconde. Ouais, ouais, c'est ce qui est merveilleux en Asie en particulier. Dans le monde, dans le soi-disant tiers-monde, ce qui est merveilleux, c'est ce sens de l'hospitalité. On ne vous laisse jamais sur le bord de la route. Bon, c'est vrai qu'en étant une famille, peut-être on nous voit différemment, mais les gens sont merveilleux, quoi. Je veux dire, c'est un peu bateau de le dire, mais on a perdu ça, quoi. Vous ne dormirez jamais dehors en Asie, vous ne serez jamais agressé, il y aura toujours quelqu'un pour vous défendre, quoi. C'est quelque chose d'admirable, quoi. Il y a beaucoup d'humanité, et c'est pour ça que le voyage en Asie est fantastique. Ce sont des parcelles d'humanité qui passent en permanence, quoi. Il y a de l'humanité malgré la communication qui est parfois rendue difficile à cause de la langue. Mais bon, la communication, c'est pas forcément la langue, c'est aussi un regard, c'est une main sur une épaule, c'est un sourire, c'est un truc complice. Voilà, et ces gens-là sont vraiment admirables, quoi, admirables. Oui, ce sont des rencontres magnifiques. Bangladesh, à Mimansingh, sur le bord du Brahmapoutre, une rencontre avec un couple de jeunes musulmans de vingtaine d'années, lui avait 20 ans, elle avait 16 ans, qui nous ont invités chez eux à manger dans un bidonville à perte de vue. Et puis, c'est un moment, on a passé 3 jours avec eux, c'est une merveille, quoi. On se dit, c'est pas possible, ces gens-là qui n'ont rien. Alors là encore, ces bateaux, on va tomber, sans tomber dans le cliché, les pauvres sont gentils. Ah, il se trouve que voilà, on a été accueillis comme des rois, quoi. Et puis un accueil est merveilleux, je veux dire. Voilà, on passe 3 jours avec des gens comme ça. Quand on part, on pleure à chaudes larmes, quoi. On s'agrippe et puis on ne peut pas se lâcher, quoi. On se dit, voilà, ça existe. L'humanité, c'est ça, quoi. Voilà pourquoi je voyage. Ça justifie un voyage. Voilà. Ouais. Voilà, de l'amour, quoi. Simplement de l'amour. Et ça, c'est une merveille, quoi. Et c'est vrai qu'en Asie, on le trouve beaucoup. En voyage, d'une manière générale, dans les pays du tiers-monde, là. Dit le tiers-monde. Ils vous rencontrent la veille, le lendemain, ils vous invitent au mariage. Un mariage dans sa famille. Ouais, ça, c'est au Pakistan. Voilà. Ouais. Ça, c'est incroyable. Alors, voilà, pour faire... Bon, après le Bangladesh, il y a retour en Inde, il y a... Après un mois passé au Sikkim. Donc, petit état de l'Inde coincé entre le Tibet, le Bhoutan et le Népal, l'Himalaya. Après donc ce retour du Bangladesh via l'Inde, on est rentré au Pakistan. Et le Pakistan, donc, c'est pareil. C'est, le mot Pakistan fait peur, quoi. Donc, on n'avait pas de guide, on ne savait pas. On a décidé de rentrer par la terre chez nous. Et Pakistan, ça fait peur. Forcément, Pakistan, ce sont des barbus, hostiles, armés de Kalachnikov, c'est presque une chose, c'est faire sauter, forcément. Après 8 mois passés en Inde, on n'a pas été. On n'a pas mangé une seule fois en Inde. On n'est pas rentré. On n'arrivait pas à rentrer dans une famille en Inde. Alors, certains occidentaux doivent y parvenir. Nous, on n'a jamais pu rentrer dans une famille et entretenir une relation un peu. Pakistan, on était rentré depuis 4 heures à Lahore, le soir même, on était invité à un mariage. Ouais, et puis bon, on a volé la vedette au marié et tout, donc c'était... Le Pakistan, comme ça, tout de suite, on se dit, ouais, ça fait peur. Et c'est marrant, on vous propose une promenade en territoire interdit. On propose pour 40 euros, on peut avoir des Kalachnikov, des Beretta, Et on ne nous a pas proposé, parce qu'on a un peu poussé la porte, en fait. On a voyagé pendant 5 semaines avec un Anglais, du nom de... De Dean. Dean, ouais. Dean, ouais. Un super anglais, comme quoi ça existe. Pardon, j'ai rien dit. Donc, on a passé 5 semaines ensemble, on était à Peshawar, donc c'est pas très loin de l'Afghanistan, au nord-ouest du Pakistan. Et au Pakistan, entre le Pakistan et l'Afghanistan, il y a une zone tribale, des zones tribales, donc où il était interdit d'aller, où se cache Ben Laden, tout le monde le sait. Bon, il y a le Waziristan, c'est à cheval entre les deux pays. Et donc, on a rencontré un peu des bonnes personnes qui nous ont fait passer en fraude dans les zones tribales. On a pu aller rencontrer les talibans et tirer avec eux à la Kalachnikov dans les montagnes. Ils ont l'air super sympas. Ils sont adorables. ce sont des nounours. Non, mais là aussi, il y a... Bon, bien sûr, les talibans, bien sûr. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle d'hospitalité, quoi. Et ces gens-là ne nous ont pas demandé de quelle nationalité on était, de quelle religion on était. On était simplement recommandés. Ils nous ont pris avec eux. On a mangé avec eux, on a dormi avec eux. On a vécu leur vie. Ils ne nous ont rien demandé. Et puis, on est reparti comme ça, quoi. Il faut savoir que l'hospitalité, dans le monde musulman, c'est quand même une réalité, quoi. Tout n'est pas rose, on est bien d'accord, mais l'hospitalité dans le monde musulman, c'est quelque chose, c'est une loi sacrée. Vous arrivez n'importe où, dans le Waziristan, vous dites, voilà, j'ai besoin de dormir et de manger. Vous restez 6 mois, 1 an, 2 ans, on ne vous demandera jamais pourquoi vous êtes là, si vous cachez, si la police vous recherche. C'est quand même une loi sacrée, quoi. Et ça, il faut quand même le souligner. Donc, ce ne sont pas tous des barbares armés qui... Voilà, des kamikazes. Dans chaque humain, il y a des parcelles d'humanité. Il y a de l'humanité. Ce sont des gens, voilà. Donc on a fait une escapade, ouais, dans les montagnes entre l'Afghanistan et le Pakistan avec mon ami Dean. Et donc on en vient à cette différence entre l'Inde et le Pakistan par rapport au statut social. Par exemple, on a l'impression au Pakistan, dans la rue, tout le monde c'est d'égal à égal. Par rapport à l'Inde, où justement il y a ces castes et il y a des supériorités, des infériorités. Ouais. C'est impressionnant aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un décalage, oui. Ben, le Pakistan, qui était l'Inde jusqu'à la partition de 1947, quoi. C'est vraiment... ethniquement, ce sont les mêmes, mais il y a vraiment une différence énorme, quoi. Ben, c'est un pays musulman, et effectivement, les gens sont tous habillés en Punjabi. On ne sent pas ce système des castes et ces différences-là, quoi. Donc tout le monde se parle. Tout le monde se parle sans... on n'a pas à savoir, à connaître le métier, l'appartenance culturelle ou sociale. Les gens se parlent. En Inde, c'est moins possible parce que les gens sont forcément... On reconnaît tout de suite un brahman, un vaishya, un kshatriya, un intouchable, on le reconnaît tout de suite. Donc forcément, on ne rentre pas en contact, quoi. On parle entre gens de la même caste. Mm-hmm. Au Pakistan, il y a quand même un côté beaucoup plus égalitaire. Qui me... Le rickshaw, c'est sympa. Non. C'est dérangeant. Non, le rickshaw, c'est pas sympa. Bon, il y a le rickshaw vélo, et puis le rickshaw, il reste encore quelques rickshaws. Les hommes chevaux à Calcutta encore. Les derniers hommes chevaux, donc ce sont les hommes qui courent pieds nus avec une clochette à la main et qui tirent donc une carriole avec un brahman souvent à l'intérieur. Et les rickshaws, c'est particulier. Ben, les relations pour un occidental avec le rickshaw, c'est souvent une question de fric, donc c'est souvent, ça tourne toujours autour du fric, donc c'est pas forcément sympa parce que les prix sont gonflés. Et puis c'est vrai que c'est particulier de se retrouver derrière quelqu'un qui a... Mais bon, voilà, la première fois que vous montez derrière un homme cheval, vous dites, qu'est-ce que je fais là, quoi. On va être un peu gêné. Hein. On est gêné, ouais, mais bon, à côté de ça, on se dit, bon, après tout, je veux dire... Il faut qu'il bosse, quoi. De toute façon, on vous a pris le relais quand il fallait faire 50 km en rickshaw. Ouais, j'ai fait ça, c'était pas glorieux, ouais. Ouais, parti 35 km, je crois, à rickshaw vélo, donc. Et voilà, avec un jeune, il devait avoir 20 ans, et puis il faisait chaud, et puis il pédalait, on était derrière, c'était un rickshaw en plateforme au Bangladesh. Et puis, c'était un vélo qui tracte une plateforme, en gros. Ok, d'accord. On les posait sur la plateforme. Voilà, donc nous on était tous les trois, celui avec les sacs. Okay. Et puis donc 35 km sur des chemins vraiment caroteux, pas facile. Bon, au bout de. Bon, il transpirait et tout, il faisait chaud. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, on va changer, tu montes derrière, je vais conduire. Bon, j'ai fait ça, les 3 km peut-être, et puis je n'ai pas maîtrisé l'engin, et puis j'ai manqué me verser dans une rizière, et une extrémiste, il a récupéré le truc. Donc un peu piteux, je suis remonté derrière, je vais laisser faire son boulot, quoi. C'était un métier, quoi. Le volontariat, là, cette association en Inde qui s'occupe d'enfants de bidonville, apparemment. C'est ça ? Ouais, c'est une association qui a 40 ans, fondée par une Belge, et qui fait vraiment du bon boulot. Qui fait vraiment du bon boulot, c'est pas le sentiment qu'on a toujours eu, mais du bon travail. En fait, on était là-bas parce que parce qu'un parrain d'ici nous avait confié un colis pour une petite de l'orphelinat. On était là-bas un peu par an, donc juste pour remettre le colis. Puis on est tombé sur le charme, quoi. On a vu vraiment des gens qui faisaient du bon travail, beaucoup d'Indiens, pas trop d'Occidentaux. Et puis, ouais, un travail pour les pauvres. Et pour le bidonville d'Oupalan, là, vraiment, un bon travail. Donc, on est resté plusieurs jours avec eux pour voir le boulot qu'ils faisaient, pour aider un petit peu. Puis, on a décidé de parrainer une petite aussi. C'est la petite Outra. C'est ouais, vraiment une belle association. C'est pas toujours le cas, encore une fois. Mais si, le volontariat. N'importe qui en France peut parrainer un enfant indien, par le biais de cette association. Ouais, tout à fait, ouais. Il y a un site, il y a quelque chose, il y a une adresse. Le volontariat, je pense que si on tape sur internet le volontariat à Pondichéry, il y a plusieurs agences et maisons en France. Mais c'est quelque chose qui est assez sain, quoi. En fait, on parraine un enfant, mais on ne parraine pas. Les parrains ont la sensation, le sentiment de parrainer un enfant en particulier, mais il faut savoir que c'est égalitaire. L'argent est remis et, de manière égalitaire, et tout ça est. Voilà, parce que forcément, on pense faire le bien, puis vous envoyez un colis à un enfant là-bas, les autres voient que, voilà, que le petit copain, la petite copine, le père de basket, et forcément, vous générez de la jalousie, et puis de l'aigreur, de la rancœur, et puis tout l'inverse de ce que vous avez pensé donner au départ. Donc donner est difficile, quoi. Donner est difficile. Donc, on peut faire du mal en donnant, quoi. Surtout en Inde, voilà. Alors forcément, la misère est partout en Inde. Alors vous arrivez et puis voilà, vous voyez des petits gamins qui sont mendiants. Dans le premier sentiment, le premier réflexe, c'est de leur donner ou à manger ou une pièce. Ça, c'est quelque chose que personnellement je fais pas parce que pour avoir vécu ça plusieurs fois, vous donnez une pièce à un gamin il y a de 10 ans. Il y a les grands de 16 ans qui ont vu que vous avez donné une pièce au gamin, qui viennent, qui frappent le gamin pour lui voler la pièce. Donc vous, derrière, vous dites quoi? J'ai servi à quoi? J'ai pensé faire le bien. Et fin de compte, c'est ma faute si le gamin s'est fait frapper. Donc il y a aussi une mafia. Et puis voilà, est-ce qu'on ne retire pas un peu de dignité aux gens, quoi? Est-ce que c'est la solution de donner de l'argent, quoi? Je suis pas persuadé. Ni même donner à manger, parce que vous donnez une banane à un gamin, le gamin va aller la revendre, la banane, il la revend au marchand et puis il reprend l'argent. Et derrière, les gamins de 16 ans l'ont vu et puis le refrappe pour les. Enfin, c'est pas la solution, quoi. Alors forcément, on pense se faire plaisir, faire le bien, mais bon, on pense faire le bien et puis on arrive à l'effet inverse. Donc donner, faut faire attention. C'est très difficile, quoi. Il y a un moment où vous regrettez s'il y a un gamin qui se fait engueuler parce qu'il vous a vendu des cookies. Donc on est resté 3 semaines à Benares, en fait. Nadine faisait prenait des cours de yoga et moi j'écrivais au bord du Gange. Nadine prend des cours de yoga partout. Ouais, elle en prend partout, hein. C'est vrai qu'elle a profité en Inde. Et donc c'était un gamin que j'avais rencontré qui m'avait proposé des cookies. Et bon, j'avais commencé à. Bon, c'était mon fournisseur pendant les 3 semaines. J'achetais un gâteau tous les jours. Hein, voilà. Et donc un jour, ce gamin-là, il s'est fait attraper par la police et roué de coups, quoi. Okay. Donc j'ai culpabilisé. Hein. Et au Pakistan ou Afghanistan, il n'y a pas des champs, vous n'avez pas vu des champs de pavots Ah si, si. Ah, c'est ouf. Pourquoi vous n'en parlez pas dans les livres? Ça doit être magnifique. Si, je crois que j'en parle. Au Pakistan, l'herbe pousse dans la chambre. Pakistan, à Taxila, qui est un site grec où Alexandre est arrivé, il y a donc, je ne sais pas, 2300 ans, un truc comme ça. Et donc, ce sont différentes ruines qui sont disséminées dans la nature. Donc, un jour, j'étais en train d'uriner dans la nature. Et puis, je me suis rendu compte que j'urinais sur un pied de cannabis. Et puis, en tournant la tête à gauche et puis à droite, j'ai vu qu'elle avait aussi à gauche et à droite. Et en levant la tête, j'ai vu qu'elle avait en fait à perte de vue. Ouais. Donc, le cannabis, partout, tout le monde fume au Pakistan. C'est même les flics. Tout le monde fume. C'est vraiment. L'odeur que ça doit dégager. Déjà, les champs de chanvre en France qui peuvent dégager quand on passe, même en voiture. Alors là-bas, Ouais, ouais. Ça va être vraiment très très bon. Ouais, c'est tout le monde a fait mal. N'importe où. Alors, là on était où? Au Pakistan. Pakistan. On était retourné en Inde. Oui. Ouais. Après, vous êtes ressorti de l'Inde après de nombreuses péripéties, des choses magnifiques, des choses tragiques. Tragiques aussi. Tragiques, ouais. Vous repartez de l'Inde pour aller. Pour aller. Non. Sortie en Inde, Bangladesh, retour en Inde, voilà. Le Sikkim, oui. L'Himalaya, oui. Donc l'ouest, après le désert du Shekhawati, oui. Dans le Rajasthan, en Inde, et puis le passage au Pakistan. On est resté 2 mois en fait, dans le nord du Pakistan. Ah voilà, ben oui. Alors ce désert. Ouais, mais le désert du Shekhawati, c'est ce qui est étonnant avec le Rajasthan, c'est que le Rajasthan, c'est vraiment un état très touristique. Quand les Occidentaux vont en Inde, la plupart du temps, ils vont en premier visiter le Rajasthan. Ils vont à Jaisalmer, à Udaipur, Jaipur. Ouais. Mais à l'intérieur du Rajasthan, il y a ce désert du Shekhawati. C'est une enclave, en fait. Et étonnamment, personne ne s'arrête là, quoi. Ce sont que quelques villages, que quelques hameaux perdus, où réside l'âme Rajput, quoi, du Rajasthan. Et là, c'est vraiment un endroit vraiment très typique, très typique. Mais étonnamment, les gens ne font que passer, quoi. Donc c'est fait de lenteur, c'est fait de, ouais, d'embouteillage de chameaux. Ouais. Les femmes sont très belles, Rajasthan. À la fois masculines, à la fois gracieuses. Étonnant. Visage androgyne, mais une grâce incroyable. La couleur des saris, Shekhawati, c'est quelque chose. Puis la grâce naturelle, quoi. Jamais un geste heurté, toujours un geste coulé, quoi. Par rapport aux couleurs des vêtements, ça donne une phrase que j'ai trouvé sympa. Quand je vous parlais de la foule en Inde, c'était orange de monde. Je trouvais ça joli. Ouais, orange, ouais, le sari, quoi. Le sari orange, c'est vraiment. Surtout les lieux saints, quoi, où on trouve des pèlerins, quoi. C'est pas dans ce désert-là que vous êtes en bus et qu'il faut surtout pas qu'ils vous larguent dans le désert en plein milieu? Non, c'est ça, c'est en sortant du Pakistan. Entre le Pakistan et l'Iran, il y a le désert du Baloutchistan, et entre Quetta et la frontière iranienne, il y a 800 km de désert. Et le désert continue, après, ça fait 3000 km de long. C'est énorme. Et c'est 17 heures donc de bus de nuit. Ouais, ça se sont passés pas trop bien en fait. On a eu un peu peur, ouais. On a eu un peu peur, en fait. De Quetta à la frontière, c'était... on a eu une altercation avec les chauffeurs. Donc... Ils vous emmerdaient, ils faisaient exprès de vous emmerder. Ouais, on sentait bien que c'était... il y avait des allusions de niveau en dessous de la ceinture, des allusions vis-à-vis de Nadine, je pense. La musique à fond, des chants coraniques, et puis des regards plombants, quoi, pour la première fois. C'est vrai qu'il y a deux régions au Pakistan qui sont un peu plus chaudes, on va dire. C'est le Sindh et le Baloutchistan, quoi. Où on ne se sent pas comme à Hunza, dans le nord du Pakistan, on sent des regards un peu plombants, quoi. Et là, et donc c'était un peu chaud, donc il y a eu une bagarre, je me suis battu avec un Pashtun. Et en fait, le Pashtun m'a... Ouais, il y a eu une échauffourée, quoi. Il m'a donné une gifle, je lui ai donné un coup de poing. Et puis le bus s'est arrêté et on s'est dit, bon voilà, on va nous débarquer en plein désert, donc je sais pas, à peu près 500 km là, du point le plus proche, donc on a eu peur, quoi. Parce qu'ils auraient pu nous débarquer avec les sacs et puis on était morts, quoi. Et puis ça s'est calmé, on est reparti, Kanka, j'ai surveillé le Pashtun qui me regardait méchamment pendant le reste du trajet, qui passait son index sous sa gorge pour lui signifier qu'il voulait me faire un sort. Donc je me suis un peu pincé pour pas dormir, quoi, le reste du trajet. C'était un peu chaud. C'était un peu peur. Honnêtement, un peu peur, là. Ouais, surtout une peur rétrospective, ouais. En arrivant en Iran, après, on a tracé un peu, ouais. Après toutes les péripéties... Vous n'avez jamais l'impression qu'il y a un truc supérieur qui régit, qui fait que, je sais pas, vous avez une chance inouïe à certains moments Ouais, une chance, ouais, mais... Ouais, comment dire? Oui, c'est tracé, il y a quelque chose qui veille, il y a quelque chose, quoi. Ouais, en matière de... en matière de peur ou de... Oui, effectivement, le sentiment de, de peur, je l'ai, nous l'avons jamais en voyage, quoi. Nous l'avons jamais, quoi. Je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a une... C'est pas de l'inconscience. On voyage avec Maëva, elle avait 3 ans, je veux dire, on a voyagé. Le premier grand voyage, Maëva avait 3 ans, on a voyagé pendant un an de l'Indonésie au Tibet, quoi. Dans des conditions très difficiles aussi, mais on n'a jamais eu peur, quoi. On n'a jamais eu peur, la peur physique. La seule peur, et c'est pas une peur, c'est juste un doute, quoi. Le doute de se dire, le doute intellectuel, de se confronter à une autre culture, de, voilà, une remise en question intellectuelle. Après, la peur physique, elle existe pratiquement jamais, quoi. Je sais pas, en Asie, c'est difficile de se sentir en insécurité, quoi. Même certains coins, j'ai pas eu peur au Waziristan, j'ai pas eu peur, hein. Je sais pas, à Chinatown, à Bangkok, enfin, vous allez n'importe où, je sais pas. Pourtant, il y a des attentats, des... Alors, tout ce qu'il faut pour avoir peur. Ouais, oui, félicite, parce que les médias, voilà, encore une fois, on diabolise. Mais c'est vrai que les attentats existent. On est passé à Multan, une semaine avant, il y a eu un attentat dans une mosquée chiite, je crois, il y a eu 40 morts. On est passé 3 jours après, bien sûr, mais je sais pas, on pense pas à ça. Et puis les accidents chez nous arrivent aussi, un accident de bus. On pense pas à ça, je sais pas, il y a aucun... On se sent jamais en insécurité. Encore une fois, il y a une telle hospitalité, un tel accueil des gens que jamais, la peur physique, jamais. C'est pas de l'inconscience, encore une fois. Enfin, je veux dire... Voilà, on est avec une gamine, je veux dire, on fait pas n'importe quoi, quoi. Mais c'est impensable. La peur j'ai peur, certains soirs, en palo, aux Isards. J'habite à côté des Isards. Oui. Je suis pas tranquille, hein. Même si je suis chez moi. J'ai pas peur à Peshawar, à Quetta, à Lahore. Comment l'expliquer? Je sais pas. On diabolise, quoi. On fait peur. C'est pareil, les Iraniens, on fait passer les Iraniens pour des sauvages. Les Iraniens sont le peuple le plus cultivé du monde, le plus généreux, déférent, courtois, quoi. Hospitalier. C'est c'est un ostracisme, quoi. On les diabolise alors qu'ils sont... Alors que vraiment, ce sont des gens merveilleux, quoi. Il y a bien sûr des gens en retour, mais on les voit venir depuis, je sais pas. Puis il y a toujours quelqu'un, même en situation difficile, il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui se met au milieu et qui prend et qui vous défend, quoi. On se sent en parfaite sécurité en Asie et ailleurs. Alors, on passe ce désert là. Vous arrivez en Iran. En Iran. Alors, il n'y a rien à voir. C'est mi-oriental, mi-européen, ni tout ce qu'on veut. Oui, c'est vrai, un sentiment un peu partagé. Ouais. Une petite désabusion en entrant en Iran. Ouais. Parce qu'en fait, on passe du sous-continent où c'est coloré. Il y a des burqas bleus. C'est coloré. On passe au noir et blanc, quoi. Tchador. Et ouais, on a le sentiment de passer de la couleur au noir et blanc. Mais et puis ouais, effectivement, c'est plus l'Orient, c'est l'Asie centrale, l'Iran. C'est l'Asie centrale. Donc on est parti d'Orient déjà. Alors les premiers jours, on a vécu ça un peu, on était un peu triste, ouais. C'est-à-dire, on est déjà un peu rentré chez nous là. Et puis ça a l'air bien rangé. Oui, voilà, les grandes avenues, on voit des R5, des deux chevaux. Donc, c'est waouh, on est chez nous, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Fini les carrioles, les burkas et les turbans, et donc les gens sont habillés à l'occidental. Donc, ça, les 3 premiers jours, on a vécu, c'était assez difficile. Et puis, on s'aperçoit que les couleurs existent en Iran. Mais elles existent plutôt. Elles sont pas, ce sont des couleurs de l'âme, ce sont des couleurs de la culture, la couleur des bulbes des mosquées, d'un vert turquoise magnifique. Hein. Les couleurs sont ailleurs, quoi, que dans les couleurs habituelles. Mais c'est vrai qu'il a fallu 3 ou 4 jours pour vraiment se dire, bon, on est toujours en voyage, quoi. D'autant plus que la première étape en Iran, ça a été Bam. Donc on est arrivé à Bam 10 mois après le séisme qui a fait, je crois, 40 000 morts. Donc c'était une vision de dévastation, une ville de 4000 habitants complètement détruite, où tous les cadavres, on n'allait pas encore, 10 mois après, on n'a pas encore déblayé, quoi. Donc une citadelle sassanide qui a été complètement détruite, empisée, une merveille du monde, qui a été détruite. Hein. Et donc, vision de désolation. Le premier regard sur l'Iran, ça a été ça, quoi. Ça a été une ville ravagée, dévastée, avec des gamins qui jouent dans les gravats, et des tentes du croissant rouge. Donc, ça a été vraiment un peu difficile. Et puis voilà, quoi. Et puis l'Iran, c'est la culture, c'est les gens, quoi. Ils sont droits, ils sont fiers. Les Perses sont même à Bam, où ils ont souffert, quoi. Ils ont perdu leur famille, ou la moitié des membres de leur famille. Oui, ils se sont exilés, mais ceux qui sont restés à Bam sont d'une force. Ils sont droits, quoi. On sent vraiment une civilisation, quoi. Voilà. Mm. Civilisation perse, c'est. On était des Gaulois, voilà. On était des Gaulois barbares, et ils étaient déjà une civilisation énorme, quoi. Très aboutie. L'impression que ça s'occidentalise beaucoup. Ouais. Vous parlez de ça? Ouais, bien sûr. Ben oui, forcément. L'occidentalisation qui a pas l'air très très saine, en fait. Si ce qui est étrange, c'est qu'ils sont anti-américains et qu'il y a des fast-food partout. Ouais, c'est là aussi, il y a du violet. C'est vraiment bizarre. On sent un anti-américanisme, mais à côté de ça, ils mangent pareil, quoi. C'est le sentiment qu'on a eu dans la rue. La cuisine des rues, elle est vraiment est quelconque, quoi. C'est fast-food, quoi. Des faux hamburgers, des sandwichs plastiques. Hein. C'est vraiment... donc, c'est rigolo. On a le sentiment que l'Iran déteste l'Amérique, mais on a aussi le sentiment que l'Iran singe l'Amérique. Parfois, donc, il y a une dualité, ouais. On rencontre à peu près autant de gens qui sont... parce que les gens parlent malgré tout. On rencontre à peu près autant de gens qui sont pro-gouvernement et anti-gouvernement, pro-américain. Donc c'est assez partagé. Ouais. Mais c'est un pays fort et très. Qui a une forte identité, quoi. Qui restera malgré tout. Et le voyage n'est pas terminé. Après, vous avez. Ça continue, il y a encore des péripéties, vous décrivez d'autres lieux. On va s'arrêter là, l'heure se termine. Donc on aurait pu en parler des heures et des heures. C'est conseillé de lire ce livre, déjà pour se détacher de notre petite vie. On se rend compte que quoi qu'on fasse, on a une petite vie. Ça donne envie de voyager. Qui qu'on soit, franchement, oui, et oui. Forcément. Et de voyager, de partir. Ouais. Maintenant, enfin, honnêtement, moi ces livres ont été écrits. Ces deux bébés qui sont nés vraiment par accident, quoi. J'avais aucune volonté d'écrire un livre. Et les poèmes, c'est pareil, quoi. C'est simplement, on rentre de voyage chaque fois avec des carnets de route qu'on glisse dans un tiroir qui prennent la poussière. Et simplement, là, c'était l'occasion de... Voilà, ça m'a servi à moi, au retour, d'être toujours en voyage, de sas de décompression pour réatterrir ici, parce que les reconnexions sont toujours difficiles. Donc j'avais aucune vocation d'écrire un livre, donc j'ai simplement rédigé ces carnets de route de manière un peu plus littéraire. Mais bon, voilà, c'est un hasard, quoi. J'ai présenté ça au hasard, et puis ça a été publié, mais j'avais aucune vocation d'écrire un bouquin, quoi. Et c'est pareil pour Échapper, pour les poèmes. En fait, j'ai présenté pour la première fois un poème de voyage, donc à un concours de poésie à Rambouillet, que j'ai gagné. Et donc j'ai rencontré des gens qui m'ont dit: ouais, c'est bien ce que vous écrivez, vous devriez. C'est pour ça, c'est ce qui m'a un peu décomplexé et qui m'a permis de. Ouais, qui m'a. Voilà, derrière j'ai présenté ça. Et... donc c'est un hasard, quoi. C'est vraiment. Ces deux bouquins, c'est un hasard. En même temps, on apprend beaucoup de choses de l'histoire de la géographie. En quantité. Oui, oui, mais de façon intéressante. Si en plus on apprend un peu, t'as bien. Ouais, c'est chouette. C'est pas non plus le but, c'est pas non plus. J'aime pas trop en général les livres de voyage, le travel business, là. Mm-hmm. Les gens qui voyagent, qui écrivent un bouquin, qui sont sponsorisés, qui repartent. C'est pas le genre de choses qui me plaisent en général. Mais bon. Ouais, c'est simplement, voilà, c'est quelque chose d'authentique, de sincère. Il y a beaucoup de moi là-dedans, en fait. Je l'écris surtout pour Maëva, quoi, pour qu'elle sache dans 50 ans qui était son père un peu plus, quoi. Donc je suis un peu à nu, je suis moi, quoi. C'est le but, il est là, quoi. C'est une mise à nu un peu, et voilà. C'est à la fois un récit de voyage, elle se rappellera de son année, de ses 10 ans, et puis elle saura un peu plus peut-être qui était son père. Quoi. C'est un peu pathétique toujours d'écrire, sur, laisser une trace, mais bon, c'est, en gros, c'est ça. Quoi. Donc, Désoriental de Didier Turios, au manuscrit. Édition de manuscrit. Voilà, et Échappé, le recueil de poèmes chez Harmattan. Ouais, poème nomade, Échappé. Didier Turios, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, très gentil, merci. Yeah.